Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Il y a à peine 150 ans, les sons du monde étaient encore évanescents. Aussitôt émis, ils disparaissaient dans l'air, faute d'un support pour les enregistrer. Il a fallu l'invention du phonographe et plus tard d'autres outils pour que le chant du monde soit mémorisé et transmis aux générations futures. Avec l'apparition progressive du son enregistré dans tous les foyers, c'est aussi toute une histoire de la musique, de l'information, de la politique, en un mot de la culture qui se joue. Alors montez le son, on part ensemble sur cette autoroute à 1000 voix. Enregistrement sonore gravé dans le temps, c'est le sillon que nous allons creuser tout au long de cette heure. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette invention de l'enregistrement sonore, j'ai le plaisir de recevoir en studio Ludovic Tournès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire internationale à l'Université de Genève et vous êtes l'auteur du livre du phonographe au MP3 paru aux éditions Autrement en 2008. Nous sommes en ligne également avec Henri Chamou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, ingénieur d'études à l'École normale supérieure de Lyon et vous êtes l'inventeur d'un outil très précieux pour comprendre la genèse de l'enregistrement sonore, mais je n'en dis pas plus pour le moment puisqu'on aura l'occasion d'en parler dans le courant de cette émission. Et puisque de genèse de l'enregistrement sonore il est question, sautons tout de suite dans le vif du sujet avec un son, le tout premier son enregistré de l'histoire. Il va vous falloir tendre un peu l'oreille. Attention, c'est parti. Voilà, si avec ça vous ne faites pas de beaux rêves ou de beaux cauchemars, je n'y comprends plus rien. Ludovic Tournès, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors, sauf erreur de ma part, au clair de la lune, mon ami Pierrot, que je ne vous chanterai pas. Henri Chamou, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette premier enregistrement sonore ? Eh bien, on vient d'entendre la restitution faite en 2007 par une équipe américaine d'un phonotogramme, c'est-à-dire d'un enregistrement sur feuille de papier enduite de noir de fumée, enregistrement fait sur un appareil qui s'appelait le phonotographe, inventé en 1857 par Édouard Léon Scott de Martinville. L'enregistrement date de 1860 et il passe désormais, renversant l'historiographie jusqu'alors admise, et il constitue le premier enregistrement de l'histoire de l'humanité. Oui, on est 17 ans avant l'enregistrement du phonographe par Edison. Qui était Scott de Martinville, Édouard Léon Scott de Martinville, Henri Chamou ? Eh bien, il était typographe. Et de son activité principale typographe, il corrigeait les comptes rendus de l'Académie des sciences. À ce titre, il était peut-être pas aux premières loges, mais il était bien au courant de tout ce qui se produisait en matière de sciences à son époque. Ça l'a sans doute aiguillonné pour créer son invention. Et cette invention, parlons-en d'un point de vue un peu technique, comment est-ce que ce premier son a été enregistré ? On l'entend, c'est très lointain, mais c'est quand même extrêmement touchant de se dire que c'est là le tout premier son de l'histoire. Comment est-ce qu'il a fait, concrètement ? Alors, grossièrement, il inaugure une méthode qui va rester la même jusque vers 1927. On parle dans une conque ou un pavillon, au foyer ou à la petite embouchure duquel on trouve une membrane qui porte une pointe. Cette pointe va décrire des mouvements propres à la vibration de la membrane, au fur et à mesure que l'on parle, va décrire des mouvements sur un élément en rotation. Ici, un cylindre en rotation, un cylindre donc recouvert d'une feuille de papier, elle-même enduite de noir de fumée, c'est-à-dire quelque chose vraiment d'impalpable qui au moindre accroc est découvert. Donc en somme, la machine décrit des traits blancs sur un fond noir, des sinusoïdes qui correspondent au son. Ça ressemble vaguement à un sismogramme, si je ne m'abuse. Absolument, et du reste, Édouard Léon Scott de Martinville est ici dans une continuité. Il existe déjà des machines à enregistrer, quoi qu'à l'état d'ébauche à l'époque, des machines à enregistrer des mouvements physiologiques, bientôt la respiration avec Étienne Jules Marais, ou les battements du cœur, ou encore des variations météorologiques. Voilà, pression atmosphérique en particulier, on utilise déjà des barographes à l'époque. Henri Chamou, vous le précisiez aussi tout à l'heure, on a redécouvert, on a enfin pu entendre ce son bien des années après, en 2007. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui est étonnant, c'est qu'on a enregistré le son, mais on n'avait pas la volonté de l'écouter, c'est ça ? Voilà, le but était vraiment d'obtenir une équivalence graphique. Et il faut se replacer dans un contexte familial à l'échelle d'Édouard Léon Scott de Martinville. Son père était membre de la société grammaticale, société de grammaire, et en tant que tel, il avait été l'auteur d'une histoire de la sténographie. Et une chose m'a frappé à la lecture de cet ouvrage, en particulier dans l'introduction, le père dit, Auguste Toussaint, Scott de Martinville, donc, que ce serait merveilleux d'obtenir un moyen de fixer à jamais, avec ses intonations, avec ses inflexions, l'idée du poète, le langage de l'orateur ou l'expression de l'artiste sur scène. Que ce serait merveilleux d'avoir tout cela en un seul langage. Évidemment, on comprend le lien avec la sténographie. Il semble ici que le fils ait été dans le sillage du père. Voilà. Et qu'il ait voulu vraiment obtenir quelque chose de lisible directement à l'œil nu. Ce qui s'avérait franchement impossible avec une simple sinusoïde. Et Scott de Martinville, fils, disait justement qu'il voulait photographier la parole. Ludovic Tournès, une réaction à ce que vient de dire Henri Chamou. Oui, ce qui est très intéressant quand on évoque la question de l'enregistrement, c'est que si on se place aujourd'hui, quand on parle enregistrement sonore, on pense avant tout à musique. Et puis là, depuis le début de l'émission, on a parlé surtout de paroles, pour une bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque, effectivement, le souci, c'est pas d'enregistrer la musique, c'est d'enregistrer la parole, finalement de faire une photographie de la parole. Et les inventions qui se sont développées, celles de Martinville en particulier, elles s'inscrivent vraiment dans toute une série de mises au point qui font partie de l'histoire des sciences du 19e siècle. Ça, c'est un point important. Et puis le deuxième point, c'est que l'enregistrement sonore, il y a effectivement, et Henri Chamou vient de d'y faire allusion, il y a une triple généalogie en fait. Il y a la sténographie, effectivement, il y a la phonétique aussi, parce que l'enregistrement sonore, c'était aussi pour apprendre à bien reproduire la voix et à bien la parler, et en particulier Charles Cros, dont on parlera tout à l'heure, était répétiteur à un institut des sourds et malentendants. Donc il y a effectivement cet aspect-là. Donc il y a la sténographie, il y a la phonétique, et puis il y a l'enregistrement sonore de la musique telle qu'on le connaît aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette triple généalogie qui est vraiment extrêmement importante pour comprendre cette histoire. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. Et on avance dans l'invention de cette histoire de l'enregistrement sonore et on arrive au phonographe. On passe à un nom qui est déjà revenu souvent dans Eureka et qui reviendra à n'en pas douter, c'est celui de Thomas Edison. Et comme souvent quand on parle de Thomas Edison, il y a débat. Alors, Henri Chamou, le phonographe, est-ce que c'est une invention française, baptisée paléophone par son inventeur Charles Cros, ou bien est-ce que c'est une invention américaine, celle de Thomas Edison en 1877? Alors, à n'en pas douter, le poète Charles Cros a bien déposé un pliqué-jeté à l'Académie des sciences en avril 1877, où il baptise son procédé le paléophone, et pliqué-jeté dans lequel il décrit en 4 pages plusieurs recettes tout à fait correctes pour enregistrer puis restituer le son. Seulement voilà, il n'a pas les moyens de mettre en œuvre son idée. Et même il cherche des constructeurs, etc., il ne parvient à rien. En décembre de la même année, il n'est pas moins vrai qu'Edison est le premier à graver sa voix, puis la restituer. Et donc, à ce titre, il est quand même le premier à l'avoir réalisé, et Cros lui-même rend hommage à Edison. J'ai eu cette idée, mais Edison l'a faite, il a fait quelque chose de remarquable. Alors comment ça marche un phonographe et quels sont les grands changements par rapport au phonautographe dont on parlait juste avant, inventé par Scott de Martinville ? Eh bien voilà, chez Scott de Martinville, c'est un simple plectre qui vient caresser la surface très subtile d'une feuille de papier enduite de noir de fumée. Chez Edison, c'est une pointe qui, cette fois-ci, vient emboutir une feuille d'étain, vient gaufrer, en fait, une feuille d'étain elle-même enroulée sur un cylindre précisionné. J'insiste sur l'idée d'emboutir parce que c'est quelque chose qui ne va pas faire floresse, qui va rester une curiosité de laboratoire et qui va, 10 ans plus tard, être remplacé par un procédé non plus d'emboutissage, mais de gravure. De gravure avec le disque. Ça, on y viendra un petit peu après. Mais avec le cylindre également. Avec le cylindre également, oui. Avec le graphophone notamment. Quand on parle un peu de ce support, de ce cylindre, en fait, quand on pense à ces vieux outils d'enregistrement et de diffusion du son, on a immédiatement cette image du gramophone en tête. On peut peut-être rappeler un petit peu comment fonctionne ce phonographe avec les cylindres. Est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, comment on plaçait le cylindre, comment fonctionnait cette machine? Parfaitement. Alors, déjà sur le terme phonographe, gramophone. Le gramophone est une marque déposée qui désigne les machines à disques aux États-Unis. En particulier dans le monde anglo-saxon, phonographe est le terme qui, aux États-Unis, désigne une machine à cylindre à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, on s'accorde à donner au mot phonographe son. Voilà, le plein champ, ça désigne toute machine parlante qui enregistre et produit des sons. Et donc, phonographe ou gramophone, cylindre ou disque, c'est presque toujours un mouvement d'horlogerie que l'on doit remonter à l'aide d'une manivelle. Mouvement d'horlogerie qui va entraîner donc un disque d'une part ou un cylindre. Et donc, le cylindre est un manchon de cire ou de celluloïde plus solide. Un manchon creux qui est conçu pour pouvoir être posé, enfilé sur un mandrin tronconique. Mandrin qui fait partie du phonographe. Et ce mandrin en rotation entraîne le cylindre dans sa rotation, tandis qu'un chariot décrit une translation très lente le long d'une génératrice du cylindre, c'est-à-dire que elle va décrire, portant la pointe va décrire un sillon en forme d'hélice, hélicoïdale, voilà, tout à la surface du cylindre. Ce sillon va porter le son qu'on aura bien voulu y placer en parlant dans le pavillon membrane. Quelles sont les pointes Dites-moi, pardon. Puis, dans un deuxième temps, en repassant au même endroit, restituer les oscillations gravées dans la cire ou dans le celluloïde, en mettant en branle tour à tour la pointe, la membrane, puis la colonne d'air qui se trouve dans le pavillon. Donc, à la fois à l'enregistrement et à la restitution, c'est un travail entièrement mécanique. L'électricité n'a rien à y voir. Il y a des limites, très claires à ces premiers cylindres. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler, notamment leur fragilité? La fragilité, ils sont faits en cire, essentiellement la cire de Carnauba qui provient d'un arbre d'Amérique du Sud, un palmier, une cire qui est très dure tout de même, qui ne font qu'à 70 degrés, mais qui, comme tout support organique, est sujette à des dégradations de toutes sortes, perte d'homogénéité, moisissure, et donc évidemment les cylindres sont très fragiles, ils ont à peu près la résistance mécanique d'une tablette de chocolat, pour se faire une idée. Et donc il en reste aujourd'hui moins d'un pour 1000 produits à l'époque, sans doute. Oui. À l'époque, il n'y a pas encore de micro. Ludovic Tournez, comment ça se passe, l'enregistrement d'un cylindre? Alors, c'est toute une histoire, et en particulier quand on s'est mis à enregistrer de la musique, parce qu'il fallait mettre tout l'orchestre devant un espèce de grand pavillon, une espèce de porte-voix en quelque sorte. Et c'est vrai que les premiers enregistrements musicaux dans les studios étaient assez épiques parce que il fallait loger tous les musiciens. En plus, il faisait très chaud, etc. Et le rendu sonore était assez faible, hein, finalement. C'est pour ça que dans les premiers temps de l'enregistrement, on n'enregistrait pas, ou très peu, ni les fréquences très graves, ni les fréquences très aiguës. Ou plutôt, on n'enregistrait que des morceaux qui étaient dans les registres médiums à cause de ça. Donc, c'est vrai que jusqu'à l'enregistrement jusqu'à l'enregistrement électrique, la technique d'enregistrement, effectivement, s'est faite comme ça, et donc le rendu sonore était assez faible. Henri Chamou, il y avait une autre contrainte, c'est qu'il n'y avait pas encore de moyen de reproduire ces cylindres à l'origine. Donc quand on voulait enregistrer, par exemple, une chanson, il fallait la chanter autant de fois qu'il y avait de cylindres. Cette contrainte n'a existé, en fait, que jusque vers 1899. D'accord. Donc, en replaçant rapidement 1857 phonotographe, 1877 phonographe à feuille d'étain, 1888, phonographe à cylindre de cire amovible. Et ce n'est que vers 92-93 que l'industrie s'empare de l'invention pour essayer d'en faire le commerce, tout simplement. Et donc, à partir de 1892-93, on enregistre en studio, à tour de bras. Évidemment, il faut chanter 50 fois pour produire 50 cylindres. Ce qui cantonne, évidemment, l'auditoire, c'est pas le mot, le répertoire non plus, mais les artistes sont forcément des artistes anonymes qui font pas grand cas de ces séances répétitives en studio. Et il faut attendre 1902 pour voir de très grands noms arriver au studio. 1902, puisqu'à cette époque-là, on maîtrise des procédés de duplication. Ludovic Tournès. Oui, et c'est très important cette duplication parce que ça ouvre la voie évidemment à la production de masse et donc à la consommation de la musique de masse, puisque dès ce moment-là, effectivement, il y a quand même un marché très important, un marché même mondial du disque qui est très important. Nous vous remercions de cette charmante soirée. Je vous disais tout à l'heure, mon cher, mon vieil ami, monsieur Vercello, que la découverte du voilà, me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle, qui a produit son merveilleuse invention. On entendait à l'instant Ernest Renan en février 1891, enregistré par Gustave Eiffel, à qui Edison avait offert ce qui semble être le premier phonographe importé en Europe. Henri Chamou, je vais vous poser une question d'enfant. De la même façon que j'ai pu croire en étant petit, en voyant des vidéos d'archives, que les gens habitaient dans un monde en noir et blanc sans couleur, je me suis longtemps dit que les gens de cette époque avaient des voix nasillardes. Alors, je vais vous poser cette question d'enfant. Qu'est-ce qui fait que ces voix étaient aussi nasillardes, puisqu'on imagine bien que tout le monde n'avait pas ces voix de nez pincé? Alors c'est drôle parce que quand on pose la question à Jean Cocteau, Jean Cocteau lui-même répond « si, c'est avec le nez que l'on parlait à l'époque ». Voilà. Mais évidemment, Ernest Renan, là, il est quelqu'un d'âgé, 76 ans à l'époque, je crois qu'il le dit plus loin dans le cylindre. Oui. On lui a bien dit de parler à une voix soutenue. Et d'avoir ce côté emphatique, à mon avis, il n'y avait pas besoin de chercher bien loin, il lui suffisait d'aller au théâtre pour finalement entendre ces artistes qui eux-mêmes portaient leur voix, en l'absence de microphone, portaient leur voix pour être bien entendus dans des grandes salles. Mmh. Là, je parle vraiment du théâtre d'une façon générale. Et donc, ce faisant, il a déjà cette emphase. Le côté nasillard, sans doute, est évidemment dû au phonographe. Du reste, beaucoup de gens décriaient ce défaut du phonographe naissant. On se demandait d'où sortait cette voix de polyphénèle. Cette technologie du phonographe, elle évolue rapidement. On parlait tout à l'heure du graphophone, donc du fait que les cylindres sont recouverts progressivement d'une couche d'étain, puis du gramophone. Est-ce que on pourrait parler justement un petit peu plus de ce gramophone et de cette invention de Emil Berliner, qui était un Allemand émigré aux États-Unis? Qu'est-ce qui change fondamentalement avec cette invention et quel objet culte apparaît avec Emil Berliner? C'est pas un mystère, mais dites-nous un peu, Henri Chamou, ce qui apparaît à ce moment-là. Oh, le grand mystère, Emil Berliner est le père du disque, bien sûr. D'abord, en Thuringe, à Waltershausen, c'est-à-dire pratiquement en Forêt-Noire, il fait presser des disques presque expérimentaux, des disques de 5 pouces de diamètre, 12 cm et demi de diamètre, à peu près le format d'un CD audio. Et sur ces 12 cm et demi, il peut placer une minute d'enregistrement. Le gros avantage de ces disques, c'est de pouvoir être pressé en série, évidemment. Et le cylindre, on pouvait presser des cylindres à partir de 1902, comme je disais, mais le disque avait une longueur d'avance sur le cylindre. Néanmoins, il faudra attendre l'année 1907 en France pour que le disque détrône définitivement le cylindre. Et Edison, dans son marché national américain, poussera le cylindre jusqu'en 1929 pour dire que voilà, les deux supports ont coexisté et il est difficile de dire vraiment que l'un est venu après l'autre. Ce serait une erreur. Ludovic Tournès, est-ce qu'on peut dire que ce détrônement du cylindre par le disque marque l'industrialisation de l'enregistrement sonore? Alors ça, c'est clair qu'effectivement, on va passer à une autre dimension à partir du moment où le disque est arrivé. Parce que comme effectivement le disait très justement Henri Chamou, c'est que le disque, il est conçu dès le départ pour la production en série, ce qui n'était pas le cas effectivement du cylindre. Et donc, Émile Berliner voit tout de suite qu'il y a un marché pour le disque et pour la musique en particulier, ce qui n'était pas tellement la préoccupation d'Edison qui lui s'occupait d'autres marchés. Mais effectivement, oui, il y a vraiment un passage et un passage qui se fait en une vingtaine d'années. Donc c'est assez rapide en fait. D'un point de vue, vous évoquiez cette enregistrement, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'enregistrement de la musique notamment. Quels sont les premiers morceaux à être enregistrés et quels sont les plus faciles à enregistrer parce qu'il y a quand même des contraintes techniques? Oui, alors c'est vrai qu'au départ, bon, comme on disait tout à l'heure, c'est essentiellement des morceaux dans le registre médium, ce qui fait que dans les répertoires d'enregistrement au début, on a beaucoup d'harmonie, fanfare, de choses comme ça, ou de réduction d'orchestre, parce qu'évidemment, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure aussi, il est impossible de réunir en studio un orchestre symphonique d'une centaine de musiciens, donc on a énormément de petits effectifs, et par contre, le répertoire est assez large, parce que ça va de la chanson populaire au répertoire symphonique, même si c'est en réduction, bien entendu. Et puis donc avec évidemment des premiers grands artistes, des premières superstars du disque qui apparaissent à l'époque, et en particulier Enrico Caruso, qui est un des chanteurs de l'époque, mais qui a été effectivement un de ceux qui a eu la plus grande renommée. Et ce qui est important en fait quand on regarde le développement de l'industrie du disque à ce moment-là, c'est que finalement l'arrivée du disque rebat un petit peu les cartes dans le monde de la musique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas forcément fait une carrière sans le disque et qui ont été propulsés au devant de la scène parce que leur voix s'adaptait mieux à un enregistrement au micro que à la scène. Comme qui, par exemple? Caruso est un exemple tout à fait caractéristique. Parce qu'il était ténor et qu'il n'avait pas une voix très basse ou très aiguë et que donc du coup il était pile dans la bonne fréquence. Absolument. Pour être enregistré. Henri Chamou, est-ce que cette invention du phonographe, du gramophone, est une invention immédiatement populaire et qui envahit les foyers immédiatement, ou bien est-ce qu'au début c'est encore l'objet d'une élite? Alors l'historiographie a souvent dit que c'était un objet d'élite, et en fait en cherchant bien dans les archives d'entreprises privées, en particulier chez Pathé, on voit bien, à regarder les prix des objets, on voit bien que les industriels cherchent absolument à populariser au maximum. Et pour se placer à peu près en 1900, une machine à cylindres avec une douzaine de cylindres pouvait trouver preneur autour de 35 francs. Un ouvrier moyennement qualifié touchait 1,50 franc par jour. Oui, c'est un objet de luxe. Ce qui laisse cet objet quand même à portée de main du petit artisan, du boulanger, du curé, du maître d'école. Et c'est bien ce qu'on constate quand on trouve une machine brute de grenier avec sa douzaine de cylindres. On arrive à voir qui avait cet appareil chez soi. Et c'est bien ces gens-là. Donc, faut imaginer aussi un marché qui, dès 1902, produisait pour la seule usine de Chatou, l'usine Pathé à Chatou, dès 1902, produisait plus de 2 millions de cylindres par an. Et c'est on arrive à... On arrive à une permanence de 5 millions de cylindres par an à partir de 1905, relayée ensuite par le disque à partir de 1908, peu ou prou de 3 à 5 millions d'unités pour le seul marché français. Ludovic Tournay, sur cette question. Il faudra attendre l'année 25, pardon, pour retrouver les chiffres de production antérieurs à la guerre 14, 1925. Ludovic Tournay, sur cette question de la popularité de cet objet et son industrialisation, sa commercialisation. Oui, tout à fait. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait Henri Chamou, alors c'est vrai que ça reste quand même relativement, alors si ce n'est élitiste, du moins c'est pas un objet populaire, disons jusqu'aux années 20-30, mais aux États-Unis, ça se démocratise, ça se popularise beaucoup plus vite du fait de la naissance de la société de consommation, qui fait que là pour le coup, l'ouvrier américain, et on en a des témoignages et puis des documentations écrites, l'ouvrier américain a chez lui un phonographe, en tout cas beaucoup en ont. Donc c'est un objet qui s'est relativement démocratisé dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, même s'il deviendra vraiment un objet populaire et de masse après la Deuxième Guerre mondiale avec les Trente Glorieuses. Et qu'est-ce qu'il écoutait, l'ouvrier américain ou le petit artisan français qui avait pu se procurer un gramophone ou un phonographe? Alors essentiellement du répertoire de music hall, hein, dont il y avait beaucoup de représentants à ce moment-là. Et là, effectivement, on a clairement, disons, une segmentation sociale des genres, comme c'est le cas pour la fréquentation du music hall, de l'opéra, etc. Donc l'enregistrement sonore reproduit en partie, hein, cette segmentation, mais on voit qu'effectivement, disons grosso modo, l'invention du disque contribue à massifier la diffusion de la musique. Et est-ce que ça concurrence les salles de spectacle où se rendaient en masse les gens avant l'invention de l'enregistrement sonore ? Alors, c'est difficile à dire parce que à la fin du 19e siècle, le phonographe est encore relativement peu développé. Donc, c'est l'âge d'or du music hall. Mmh. Donc, il y a un moment dans les années 1900-1910 où il y a peut-être un phénomène de concurrence, mais je crois plutôt au phénomène de complémentarité, comme ce qu'on peut observer entre le disque et la radio dans l'entre-deux-guerres, qui se sont perçus comme des industries concurrentes et qui se sont rendus compte assez rapidement qu'elles étaient complémentaires. Mmh. Henri Chamou, je le disais en introduction, vous avez la double casquette d'historien et d'ingénieur et vous avez inventé un objet qui s'appelle l'archéophone. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots et nous dire l'importance de cette invention-là pour la réécoute des cylindres notamment ? Oh, l'importance est tout à fait modeste tout de même, mais voilà, cette machine permet de lire aujourd'hui des cylindres à moindre dégât, c'est-à-dire de les lire sans les abîmer. C'est donc une machine à cylindre, moderne, électrique, avec une pointe de lecture très légère. On aurait pu rêver d'un laser, mais c'est très difficile à réaliser. Très légère, qui exerce une pression peut-être d'un gramme au lieu de 30 grammes à l'époque sur le sillon. Voilà, et donc pour les cylindres survivants, qui existent en archives publiques ou privées, c'est l'outil idéal. Et voilà. Cet archéophone ne fait pas que lire les cylindres sans les abîmer, il vous permet également, de les numériser, bien sûr. Oui. Ces fichiers numérisés, ces sons numérisés, sont en accès ? Ces fichiers numérisés sont en accès librement sur phonobase.org. On mettra le lien sur la page de l'émission. À présent, une bonne douzaine de milliers d'enregistrements. Pour être honnête, les deux tiers seulement de ces 12 000 sont des cylindres, reste un tiers pour des disques qui donc coexistaient à la même époque. Voilà, mais en général, des enregistrements antérieurs à 1914. Et je voulais revenir un tout petit peu sur le répertoire. Le répertoire vraiment enregistré et finalement conventionnel de ce qu'on écoutait dans les théâtres subventionnés ou non à Paris. Il faut voir qu'il y avait une offre fabuleuse de spectacles à Paris en 1900. Les 20 premiers théâtres, plus les 400 salles de café-concert représentaient 70 000 fauteuils disponibles chaque soir. On jouait vraiment sans relâche à l'Opéra Comique ou ailleurs, jusqu'à 500 fois même la même pièce, en comptant les matinées par an. Et c'est un répertoire qui s'est établi d'une musique écrite, des opérettes en particulier, entre la monarchie de Juillet et le début de la Troisième République. Et finalement, ce qu'écoutait le détenteur d'une machine parlante qui avait acheté sur un catalogue Manu France un phonographe, eh bien c'est la musique qu'on écoutait à Paris. Mmh. Voilà. Il y avait une espèce de monopole culturel imposé par la capitale déjà. Ludovic Tournès, on évoquait la fragilité de ces cylindres utilisés pour le phonographe. Les premiers disques n'étaient pas encore les vinyles tels qu'on les imagine aussi, le micro-sillon tel qu'on l'a inventé après la Seconde Guerre mondiale. Les premiers disques aussi avaient des limites techniques conséquentes. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu combien de temps on pouvait enregistrer sur un disque et quelles étaient ces limites techniques ? Alors, les limites techniques, c'est effectivement, alors d'abord le fait que l'enregistrement, jusqu'à l'apparition de l'enregistrement électrique, les conditions sont assez mauvaises, donc on peut enregistrer peu de choses, et encore une fois un registre assez limité, et puis d'une durée assez limitée aussi, puisque la majorité des disques à 78 tours, hein, au début du XXe siècle, le temps d'enregistrement était limité à 3 ou 4 minutes. Alors il y avait des techniques qui permettaient de faire des enregistrements un peu plus longs, en particulier pour la musique classique, mais c'était quand même beaucoup plus cher. Et donc c'était nettement moins utilisé, et donc en général les enregistrements de musique classique s'étendaient comme ça avec des coffrets de disques assez conséquents. Donc il y avait vraiment cette limitation du temps qui est à la fois une limitation je dirais technique, parce que effectivement un disque c'était deux morceaux, une face A, une face B, mais c'était aussi une très grande contrainte pour les musiciens, parce que effectivement ils devaient en particulier pour le répertoire de la musique populaire, et puis je pense évidemment aussi au jazz à ses débuts notamment, c'était quelque chose qui bridait énormément la pratique de l'improvisation par les musiciens, parce qu'ils devaient mettre en boîte hein, littéralement un morceau en 3 minutes et quelques. Et c'est vrai que ça, après la Deuxième Guerre mondiale, quand le micro-sillon arrive, les musiciens vont avoir une capacité, une liberté d'expression artistique beaucoup plus grande. Restez avec nous, parce que dans quelques instants, on poursuit dans Eureka l'histoire de cette invention de l'enregistrement sonore, et on va parler notamment de la révolution de l'enregistrement électrique, avec notamment l'arrivée du microphone, du micro-sillon. Restez avec nous, c'est dans un instant. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. La donna è mobile, qual più malvergo, cupa d'accento di pensiero. Sempre una mobile, legge a tuo viso, il pianeto in viso, è un lento iero. La donna è mobile, qual più malvergo, cupa d'accento. Pensier, pensier, pensier. Sempre mi trovo chi a lei s'affida, chi le colpida, ma il cauto il cuore, ormai non sente di felice a pieno, fu chi su quel sero non li fa amore. La donna è mobile, qual più malvento, muta da te. Pensier, feliz pensier, La Donna è mobile de Verdi, interprété par Enrico Caruso à 16h32 dans Eureka sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de l'invention de l'enregistrement sonore avec Ludovic Tournès, professeur d'histoire internationale à l'Université de Genève, et avec Henri Chamou, ingénieur d'études à l'École normale supérieure de Lyon. On continue d'avancer dans l'histoire de l'enregistrement sonore et on arrive à l'enregistrement électrique. Henri Chamou, quand est-ce que l'enregistrement sonore qui était jusqu'ici mécanique devient électrique et qu'est-ce que ça change ? Eh bien, l'enregistrement sonore est devenu électrique en 1926 aux États-Unis, 27 en France. Même la date ne peut pas être établie avec précision. Ça dépend dans quel studio, ça dépend de plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, ça change une chose, c'est que vous évoquez l'idée de ces voix caverneuses et nasillardes qu'on devrait regarder comme des photographies en noir et blanc ou des films en noir et blanc. Et ben voilà l'arrivée de la couleur, on croirait, parce que la couleur sonore est bien mieux respectée. Et le cylindre ou le disque acoustique, puisqu'on parle désormais d'enregistrement acoustique pour désigner ce qui se fait sans microphone, par opposition à l'enregistrement électrique qui se fait donc avec microphone, eh bien l'enregistrement acoustique donnait péniblement un son qu'on pourrait qualifier de téléphonique, encore voilà un téléphone des années 60 peut-être, c'est-à-dire un son dont les notes les plus aiguës n'excéderaient pas 4 kHz, alors même que l'oreille humaine peut entendre jusqu'à 20 kHz. Et bien voici le disque 78 tours qui offre une audition dans les aigus jusqu'à 10 kHz, ce qui est tout à fait honorable et ce qui permet tout de suite eh bien, d'élargir le champ du répertoire du phonographe, en particulier la musique de chambre, les quatuors à cordes. Imaginons que les cordes, le phonographe acoustique était pratiquement sourd aux cordes, d'où les orchestrations étonnantes des enregistrements acoustiques. Donc vraiment, des lettres de noblesse apportées au phonographe par le microphone et surtout l'amplificateur, car le microphone existait depuis 1877. Il était employé pour le téléphone. Mmh. Il ne permettait que d'entendre une voix lorsqu'on portait l'appareil à l'oreille. L'idée ici était de pouvoir transporter le son et de créer des transducteurs, c'est-à-dire des instruments capables de transformer une modulation électrique en mouvement pour graver dans la cire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu, pour nous autres qui ne sommes pas forcément des techniciens, comment fonctionne cet objet qui, pour nous, gens de radio, est sacré, le microphone, comment ça marche? On parle devant une boîte qui contient une membrane qui, cette fois-ci, au lieu de faire vibrer une colonne d'air comme dans le phonographe, cette membrane va faire vibrer un électroaimant, un bobinage, un condensateur devant un circuit électrique. Et par là même, par phénomène d'induction, il va se créer un courant dans le circuit électrique, un courant dont les modulations vont correspondre au son qui aura agité la membrane. Voilà en gros comment je pourrais parler du microphone. C'est très bien résumé. Ludovic Tournès, cette apparition, cet avènement de l'électricité dans l'histoire de l'enregistrement sonore, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue de l'expansion de cette invention ? Alors moi j'irais presque plus loin qu'Henri Chameau sur le fait effectivement que cette idée des lettres de noblesse de l'enregistrement, parce que en fait quand on écoute des disques de l'époque enregistrement électrique, on est surpris aujourd'hui encore de la qualité de ces enregistrements. Alors évidemment il y a des bruits de surface, évidemment à l'aune de la stéréophonie et puis de la haute fidélité ça peut apparaître moins bien, mais quand même c'est d'une qualité qui est vraiment extrêmement importante. Et c'est pas un hasard si précisément c'est avec l'enregistrement électrique que se développe le phénomène de la discophilie, qui est une pratique sociale complètement nouvelle à l'époque. Faire collection de disques, ça, c'est tout à fait nouveau. Aujourd'hui, c'est complètement banal. Enfin, encore que c'est devenu un petit peu vintage, puisque les disques n'existent plus. Mais enfin, disons, ça revient, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le discophile est un personnage nouveau parce que la qualité qui est permise, la qualité d'audition qui est permise par l'enregistrement électrique permet, d'écouter chez soi avec un rendu sonore qui est pas aussi bon évidemment qu'au concert, mais qui est très différent et qui paradoxalement donne aux discophiles l'impression d'être encore plus près de l'artiste qu'ils ne le sont à la scène. Ça, c'est la magie du micro et de l'enregistrement électrique. Là, on est du côté de la réception de la production. Alors, du côté de la production maintenant, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la musique concrètement, cette électrification de l'enregistrement sonore? Alors ça va changer le fait que d'abord ça va dilater les répertoires possibles d'enregistrement, puisque la qualité permet d'enregistrer beaucoup plus de musiciens, des genres différents, etc. Plusieurs pistes à la fois, alors ça va pas tout de suite mais assez vite. Mmh. Et donc du coup on va avoir un répertoire qui va devenir de plus en plus important, donc de toucher un marché beaucoup plus important. Et alors pour revenir aussi sur ce dont on avait parlé tout à l'heure à propos d'Edison et Crowe, et qu'on retrouve d'une certaine façon là dans les années 20, il y a des rivalités économique, commercial, industriel entre différentes compagnies discographiques à la fois dans un pays, en France, en Angleterre, en Allemagne, et puis aussi entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est vrai que le fait que l'enregistrement électrique ait été mis au point plus rapidement et se soit diffusé plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe et en particulier en France fait que notamment l'industrie du disque française et la compagnie Pathé est tombée assez rapidement sous la dépendance technologique de l'industrie anglo-saxonne de ce point de vue-là, parce qu'elle n'a pas mis au point assez vite un enregistrement électrique. Donc l'histoire de l'enregistrement sonore accompagne l'histoire de l'américanisation du monde, entre guillemets. D'une certaine façon. Tout à l'heure, on évoquait qu'après la Seconde Guerre mondiale, une technologie apparaît, c'est celle du micro-sillon. Là encore, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la musique et l'histoire de la composition même de ces disques-là ? Alors, bah, ça change finalement. On a, je dirais, c'est une autre grande date évidemment de l'histoire de l'enregistrement sonore, 1948, avec l'arrivée des micro-sillons, parce que, alors, Henri Chamoux pourra vous dire techniquement tout ce qu'il en est, le passage du 78 tours au 33 tours, mais pour l'auditeur, ça signifie que désormais, il peut avoir une phase qui dure une vingtaine de minutes, avec beaucoup de morceaux, ou alors des morceaux plus longs. Et puis une qualité d'écoute qui est évidemment bien meilleure, et puis un prix de revient qui est aussi bien plus modique, et donc du coup là aussi ça fait faire un bond à la consommation de disques. Henri Chamoux, sur cette question du micro-sillon. Alors, ça change, le micro-sillon change les choses au studio en particulier. Avec son autonomie, sa durée d'audition d'environ qui va jusqu'à 25 minutes par face. Évidemment, le micro-sillon n'est pas produit de la même façon que le 78 tours. Il faut évoquer là l'arrivée conjointe du magnétophone en 1948 aussi. Magnétophone qui constitue le support original désormais, la bande magnétique, support original de l'enregistrement de studio, qui permet le montage pour créer finalement une chose sur le disque micro-sillon qui résulte d'un montage. Avec donc un soin particulier, la possibilité de revenir en arrière pour essayer de prendre la meilleure prise, alors même que 78 tours se contentait en principe d'une seule prise, qui devait être la bonne. Voilà. Rappelez-nous un petit peu comment ça fonctionne, cette bande magnétique qui est inventée à la fin des années 40, et parce qu'on a tous connu, enfin peut-être pas tous, j'espère qu'il y a parmi nous, nos auditeurs et nos auditrices, des gens suffisamment jeunes pour ne pas avoir eu un rembobinet de cassette avec un crayon, mais comment ça fonctionne cette bande magnétique, et à quoi ça ressemblait? C'était des grosses bobines encore à l'époque. Voilà, des grosses bobines qui portent un ruban très long, jusqu'à 2000 mètres de ruban, ces rubans se déroulent à une certaine vitesse devant un point fixe, une tête qui va magnétiser encore de façon variable au gré des oscillations d'un circuit électrique lui-même relié à un microphone, qui va donc magnétiser de façon variable le ruban magnétique qui défile devant cette tête. Voilà. Donc qui va créer des juxtapositions d'aimants très très nombreux qui repassés devant une tête de lecture cette fois-ci vont à leur tour générer des champs qu'on pourra transformer en sons. Et là-dedans, dans ce type d'innovation, il y a aussi d'autres. Enfin, on parlait des larges bobines, mais très rapidement, les objets se miniaturisent. Est-ce que les enregistreurs, aussitôt que la bande magnétique est créée, suivent un peu la forme de la bobine? Est-ce qu'il y a rapidement des bobines petites et des enregistreurs plus légers? On essaye de miniaturiser, forcément. Évidemment, l'aboutissement, c'est la cassette audio. L'audiocassette au milieu des années 60, qui va vraiment là aussi transformer la façon d'écouter la musique. Je crois que Ludovic Tournès pourra être beaucoup plus clair là-dessus que moi. Ludovic Tournès. Oui, tout à fait, parce que la cassette audio, c'est très peu onéreux, ça coûte très peu cher, évidemment, et donc, alors moi, je fais partie de la génération, alors j'étais pas né dans les années 40 quand même, mais enfin, à la fin des années 70, début des années 80, j'ai beaucoup enregistré de morceaux mon petit magnétophone à cassette, soit des morceaux, des disques enregistrés, empruntés aux amis ou aux discothèques, etc., parce qu'évidemment, ça permet de multiplier de façon considérable son propre répertoire, et de se créer son propre répertoire. Parce que sur un disque, vous avez des chansons, des morceaux de musique qui sont enregistrés, donc c'est un ordre imposé, etc. Sur la cassette, vous pouvez enregistrer ce que vous voulez, donc un morceau et puis un autre qui n'a éventuellement rien à voir d'un autre artiste. Donc c'est une transition, je dirais, vers une individualisation des pratiques qui a complètement explosé avec l'arrivée de l'Internet. Et on devient nous-mêmes des créateurs en créant nos propres compiles, qui Absolument. En anglais se dit mixtape, si je ne m'abuse. I have cherished. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre, dans laquelle tous vivraient ensemble, en harmonie et avec une égalité des chances. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je souhaite voir réalisé. Mais votre honneur, c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Vous écoutiez la voix de Nelson Mandela le 20 avril 1964 lors du procès de Rivonia. Nelson Mandela était déjà emprisonné depuis 2 ans et condamné. Henri Chamou, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu en quoi ce discours est intéressant à plus d'un titre dans l'histoire de l'enregistrement sonore? Et vous n'y êtes pas pour rien, je crois, dans sa diffusion. C'est un enregistrement gravé en 1964, 63-64, le procès de Rivonia, qui constitue 250 heures d'enregistrement, parmi lesquelles donc les 3h30 d'allocution de Nelson Mandela le 20 avril 64. Gravé donc sur un support souple qu'on appelait à l'époque le dictabelt. Il faut imaginer un ruban fermé, une dictabelt le dit bien, une ceinture à dictée, donc un ruban fermé qui porterait à sa surface la gravure. C'est en somme un cylindre souple. Et c'est un support tellement baroque que très bien peu de gens étaient capables de le lire de nos jours et de le restituer, de le numériser. J'ai donc eu l'honneur de numériser l'ensemble du procès de Mandela, qui était gravé donc sur 500 dictabelts et qui représentait un ensemble de plus de 200 heures d'enregistrement. Il y a une comparaison que j'aime bien faire, c'est À la recherche du temps perdu, l'œuvre complète de Marcel Proust en livre audio. Ça représente à peu près la moitié de ce que représente le procès de Mandela. Voilà, et ça c'est pour l'anecdote. Mais ce que je trouve vraiment techniquement intéressant, pourquoi ce support étonnant de dictabelt? Pourquoi la gravure? Eh bien, il y avait un enjeu là pour l'apartheid et pour les États-Unis qui fournissaient le matériel en fait à l'apartheid pour assurer les enregistrements des procès. L'enjeu, c'était de vérifier qu'il n'y ait pas de triche en particulier, qu'on ne puisse pas tricher au montage. Or, le dictabelt, avec sa gravure, permet d'un simple coup d'œil de vérifier qu'il n'y a pas de solution de continuité. C'est même un argument publicitaire pour ce support sonore qui initialement servait à dicter le courrier pour un médecin à sa secrétaire, par exemple. See what you record. Vous voyez ce que vous enregistrez. Et donc, la bande magnétique, qui évidemment était le support absolu dans les années 60, pour tous les reportages, pour tous les enregistrements d'actualité, eh bien, permet ce montage, permet la triche. Voilà, c'est donc une des raisons pour lesquelles on a gravé. Mais je trouve, au-delà de cela, il y a une continuité, en somme, entre le premier enregistrement, le phonotogramme de Scott de Martinville, et cet enregistrement historique-là. Il suffit de regarder au microscope, finalement, pour voir les mêmes ondulations sur l'enregistrement de Scott, les mêmes types d'ondulations qu'on retrouve sur les dictabelts du procès de Rivonia. Et donc, c'est le dernier enregistrement historique enregistré en gravure à la volée. Et au-delà de cet aspect un petit peu technique, ce qui est intéressant, c'est qu'on est saisi par la force du propos de Nelson Mandela. Le son a un pouvoir de conviction que n'a pas forcément toujours l'image d'Udovic Tournès. Est-ce que dès les débuts de l'enregistrement sonore, les sons sont des objets de communication politique, de propagande ou de diffusion de ces idées politiques? En tout cas, ils le sont très rapidement, puisque dès les années 1910-1920, on a enregistré beaucoup de discours politiques à l'époque où finalement la radio n'était pas encore tout à fait un médium de communication de masse. Et donc le disque a joué ce rôle-là. Et finalement, il l'a sans doute joué jusque plus tard qu'on ne le pense. Il y aurait sans doute des recherches à mener là-dessus. Mais en tout cas, l'enregistrement de Mandela montre bien que la parole reste aussi un élément absolument fondamental dans cette histoire d'enregistrement sonore. Et on a pas mal parlé de technique dans cette émission. Henri Chamou, Ludovic Tournès, je vais vous poser la même question, mais d'un point de vue peut-être plus anthropologique, historique, philosophique. Qu'est-ce que change l'invention de l'enregistrement sonore dans le rapport de l'humanité à la mémoire, au temps, Ludovic Tournès? Alors, moi, je trouve que c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que on parle beaucoup, avec l'apparition de l'Internet, de ce phénomène d'hypermnésie où finalement, rien ne s'efface. À partir du moment où quelque chose est sur l'Internet, on peut plus l'effacer. C'est, je dirais, gravé pour l'éternité. Et en fait, c'était ça le but du jeu, de l'enregistrement sonore, l'enregistrement de la voix. Et effectivement, à partir du moment où on a pu enregistrer ces voix, puis enregistrer de la musique, des chansons, on a effectivement permis à des choses qui se seraient complètement évanouies d'être, effectivement, si ce n'est pour l'éternité, en tout cas au moins jusqu'à aujourd'hui. Et je pense en particulier à tout ce phénomène des cultures populaires ou dites traditionnelles qui ont commencé à disparaître à la fin du 19e siècle, hein, tous les folklores, les patois en France, en différents pays d'Europe, et puis toutes les cultures amérindiennes, puisque les Indiens finissent d'être massacrés en quelque sorte à la fin des années 1890, et c'est à ce moment-là que les anthropologues américains commencent à aller collecter les chants indiens sur des phonographes précisément. Donc il y a vraiment un phénomène de long terme où on change complètement de rapport à la mémoire. Et de ce point de vue-là, l'arrivée de l'Internet, finalement, ne fait que poursuivre un phénomène qui s'est développé déjà depuis un bon siècle. Henri Chamou, l'enregistrement sonore est-il un remède à l'oubli, pour citer Bachung? Alors, un remède à l'oubli, on parle ici d'archives en particulier. Il est intéressant de noter que les institutions publiques ont mis le temps à recevoir cette invention comme étant valide. Il faut attendre le milieu du siècle, finalement, pour l'application d'un dépôt légal. Je trouve que c'est intéressant à dire parce que, finalement, la mémoire de la première moitié du XXe siècle est, en quelque sorte, tronquée à redécouvrir, et c'est ce à quoi je me suis attaché dans mon travail. Mmh. Mais finalement, cette hypermnésie, hypomnésie, peut-être pour la première moitié du siècle, ne doit pas nous faire perdre de vue, finalement, que on entend très fort notre XXe siècle, on entend mal, pas du tout, les siècles précédents, finalement. Le monde est sourd avant la fin du XIXe siècle. Ouais, c'est un peu le risque, ici, qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait craindre. Bon. Alors, j'appelle Pierre Lantenac. Pierre Lantenac. Tous les ouvriers devraient apparaître. Allô, Pierre Lantenac. Allô, toi, l'antenne? Oui, tu l'as. Oh, eh bien, Pierre Lantenac ici. Je suis toujours rue Saint-Jacques et je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension n'a pas baissé. Les étudiants sont en train de relever une autre barricade à l'intérieur de la rue Saint-Jacques afin d'éviter d'être tournés. Quant à la rue Gay-Lussac, eh bien, je crois que c'est l'axe principal de l'effort que mènent les représentants des forces de l'ordre. Il y a eu attaque, il y a eu contre-attaque et il y a eu surtout un barrage de grenades lacrymogènes et de grenades au chlore, me dit-on. Toujours est-il que ce n'est pas du gaz lacrymogène et que ça pique horriblement les yeux et les poumons. Autour de moi, eh bien, les étudiants sont toujours présents. La chaîne est toujours là. On travaille. Il n'y a pas qu'un seul blessé. Il y en a 40 plusieurs. Bien. Vous voyez, je suis entouré et chacun essaie de me donner des informations. Effectivement, il y a certainement de part et d'autre. Il paraît des OF, il balance des OF. Bon, vous entendez? Oui. On fait un appel aux Parisiens. Non, enfin, c'est inutile de faire un appel aux Parisiens. Nous sommes là pour donner l'information pure. Et voilà, on coupe. En quoi est-ce que ces innovations de l'enregistrement sonore aussi ont modifié considérablement l'information, Ludovic Tournès? Bah, je crois que là, l'enregistrement qu'on vient d'entendre est tout à fait caractéristique de l'effet de réel qui est joué par cet enregistrement sonore et par la voix. Et c'est sûr que ça donne une dynamique complètement inouïe, c'est le cas de le dire, par rapport à l'information qui était donnée avant, où on avait un speaker qui effectivement récitait un texte, mais où finalement le bruit de la rue, le bruit du monde, d'une certaine façon, était extrêmement filtré. Là, alors évidemment, on est en mai 68. On est en mai 68, bien sûr. Faut-il le préciser. Voilà, on est en mai 68, mais c'est vrai que ça donne tout de suite une ampleur considérable à la façon de retranscrire l'actualité. Henri Chamou, sur cette question de l'information modifiée par l'enregistrement sonore. Alors, grande proximité, grande banalisation aussi peut-être. La musique était une chose rare, elle est aujourd'hui disponible au bout d'un robinet, permanent. Alors je ne sais pas bien évoquer mes idées là-dessus, mais voilà, simplement une théâtralisation, oui, il y a peut-être une théâtralisation de l'actualité par les effets de son, notamment. Difficile de tout prendre pour argent comptant. Mmh. Voilà. Si on en revient maintenant un petit peu à la technique, et notamment puisque le temps file et qu'il nous reste plus que 2 minutes, c'est terrible pour évoquer cette dernière question qui est pourtant massive, celle de la numérisation du son. Henri Chamou, quelles conséquences a eu ce dernier tournant majeur en date pour l'enregistrement sonore et sa diffusion? Eh bien, la disponibilité quasi universelle d'à peu près tout ce qu'on peut rêver d'écouter, voilà. Je trouve que c'est fabuleux. Ludovic Tournesse. Ça parfait. Oui, absolument. C'est vraiment l'individualisation et la massification. Toute la musique qu'on peut avoir à l'endroit où on veut, au moment où on veut, avec qui on veut, et de la quantité qu'on veut, puisqu'on peut maintenant, aujourd'hui, effectivement, transporter sur son téléphone portable une discothèque de plusieurs dizaines de milliers de titres. Donc, c'est l'aboutissement d'un processus d'individualisation des pratiques musicales aussi, qui est absolument extraordinaire. Alors, il a aussi ses effets pervers d'une certaine façon, parce que par rapport du point de vue de la qualité du son, la massification des morceaux de musique s'accompagne aussi d'un format de compression qui est le MP3, qui est une catastrophe du point de vue de la qualité sonore par rapport à ce qu'on avait connu avec les enregistrements des vinyles et des CD. Une compression qui avait été pensée à l'origine pour la radio et qui a bien vite été, qui a bien vite supplanté finalement l'économie du disque, on va dire. Comment cette transition s'est opérée, Ludovic Tournesse? Oh, ça a été une vraie catastrophe pour l'industrie du disque quand, évidemment, on est passé d'un changement de support. C'est-à-dire que le support principal de la musique, c'est plus le disque aujourd'hui, c'est l'ordinateur et puis le téléphone portable qui est un petit ordinateur. Et donc, quand c'est arrivé, ça a déclenché une crise sans précédent dans l'industrie du disque, dont elle s'est pas encore vraiment relevée, hein, même si elle s'est considérablement adaptée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les ventes physiques de disques sont 40 ou 50% moins importantes de ce qu'elle était au début des années 2000. Et donc maintenant, le support majeur, c'est d'accès à la musique, c'est essentiellement le streaming et le téléchargement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on est passé en à peine un peu plus de 100 ans d'un cylindre en cire très très fragile et très périssable à des fichiers sonores numériques dématérialisés qui planent un petit peu, dont on ne sait même pas s'ils sont destructibles ou pas, mais en tout cas voilà, c'est passionnant en tout cas cette histoire et cette évolution de l'enregistrement sonore. Merci en tout cas beaucoup à vous deux, Ludovic Tournesse, Henri Chamou, de nous avoir raconté cette invention et cette évolution de l'enregistrement sonore. Cette émission touche à sa fin et comme tous les jours on se quitte en musique avec aujourd'hui un Georges Brassens de Saloon qui nous chante Sur mon phono. Mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois Paulus, Maïol, les rois du music-hall, Dranem, Narquois, qui chantaient les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Écouter le premier numéro de Chevalier. J'vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon bon vieux phono qui chante faux. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Elig, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Demain à 16h, nous partirons à la conquête du côté obscur de la conscience, puisque nous parlerons de la longue et sinueuse histoire de la découverte de l'inconscient. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Je donne un tour de clé à son cœur de métal, et de son côté, il me remonte le moral. Et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche, et je suis prêt à mettre au clou ma montre tout et tout. Mais sûrement pas, je vous le dis tout haut, mon vieux phono. France Culture. L'esprit d'ouverture.